Chapitre 2. Damaya, par les hivers enfui. La paille est si chaude que Damaya n'a aucune envie d'en sortir. Une vraie couverture, songe-t-elle dans le flou du demi-sommeil. Comme celle que son arrière-grand-mère lui a confectionnée autrefois à partir de tissus d'uniforme. Il y a des années, avant de mourir, mamie était couturière pour la milice de Brevard. Quand elle raccommodait quelque chose, elle avait le droit de garder les restes d'étoffe. La couverture sombre tachetée qu'elle a offerte à Damaya mêle bleu marine et brun, gris et vert. Ses bandes de couleurs onduleuses évoquent des colonnes d'hommes en marche. Mais elle est sortie des mains de mamie. Sa laideur n'a jamais dérangé la fillette. L'évocation de son léger parfum suave, au vague relent de renfermé, l'aide à s'en imaginer enveloppée plutôt que de paille. Odeur de moisie et de crottin séché, agrémentée d'une touche de fruité fongique. En réalité, la couverture se trouve dans la chambre de Damaya qui l'a laissée sur son lit. Un lit où elle ne dormira plus jamais. Des voix s'élèvent non loin d'elle. La mère approche à l'extérieur, accompagnée. Un cliquetis grincement, la clé tournant dans la serrure et la porte de la grange livrant passage aux arrivants. Un autre cliquetis, la porte se refermant derrière eux. « Dama, dama !» appelle la mère plus fort. Damaya se recroqueville les dents serrées. Elle déteste ce surnom idiot. Elle déteste la douceur et l'insouciance avec lesquelles il vient d'être prononcé, comme un petit nom affectueux alors que c'est un mensonge. Silence. « Elle est forcément là, » reprend la mère. « Mon mari a vérifié en personne les serrures de la grange. » Hélas, ceux de sa sorte ne se laissent pas arrêter par des serrures. Un homme. Ni le père, ni le frère aîné de Damaya, ni non plus le chef de com, ni personne qu'elle reconnaisse. Une voix grave, dont l'accent coupant et lourd ne lui dit absolument rien, avec ses consonnes brèves, ses « a » et ses « ai » traînants. Une voix avisée. Un faible tintement rythme les pas du visiteur, au point qu'elle se demande s'il n'est pas chargé d'un énorme trousseau de clés, ou si ses poches ne débordent pas d'argent. Il paraît que l'argent est bel et bien en métal, dans certaines régions du monde. À l'idée de l'argent ou des clés, Damaya se recroqueville davantage, car bien sûr, il paraît aussi qu'il existe des marchés aux enfants dans les lointaines cités de pierre biseautée. La rumeur circule entre élèves à la crèche. Le reste du monde n'a pas forcément atteint le niveau de civilisation des Moyen-Orient. Damaya s'est moquée de ces histoires à l'occasion, mais les choses ont changé depuis. Là, l'homme s'est rapproché. Des traces, toutes fraîches, me semble-t-il. La mère pousse une toute petite exclamation de dégoût. Damaya se sent rougir de honte à la pensée qu'ils ont découvert le recoin qui lui sert de toilette. Il sent abominablement mauvais, malgré la paille qu'elle y a jetée après chaque utilisation. Faire par terre comme une bête, je l'ai mieux éduqué que ça. Il y a des toilettes dans cette grange ? Demande le marchand d'enfants avec une curiosité polie. À moins que vous ne lui ayez donné un seau. Silence. Silence prolongé. Damaya s'aperçoit à retardement que l'inconnu a réprimandé la mère par ses questions tranquilles, d'une manière étonnante, sans cri ni insulte. La mère en reste bouche bée, aussi stupéfaite que s'il avait conclu par une claque sur la tête. Un gloussement remonte la gorge de Damaya, qui se fourre aussitôt le poing dans la bouche pour empêcher le rire d'en sortir. Les deux adultes vont l'entendre se moquer de l'embarras maternel, et le marchand d'enfants va comprendre qu'il a affaire à une abominable petite fille. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Les parents vont obtenir un moins bon prix. Cette seule pensée manque de libérer le gloussement, parce que Damaya déteste les parents. Elle les hait, et tout ce qui peut leur nuire lui fait du bien. Là, elle se mord la main fort, et elle se déteste elle-même, car si elle pense des choses pareilles, ils vont évidemment la vendre. Des pas, tout proche. « Il fait froid ici, » dit l'homme. « S'il avait gelé, on l'aurait gardé à la maison, » répond la mère d'un ton maussade. Elle est manifestement sur la défensive, ce qui donne une fois de plus envie de rire à Damaya. Mais l'inconnu ne prête aucune attention à la réponse. Ses pas se rapprochent encore de la fillette, qui prend conscience de leur bizarrerie. Elle est capable d'évaluer les pas. Contrairement à la plupart des gens, ils sont capables d'évaluer les grands événements, les secousses, ce genre de choses, mais rien d'aussi délicat que les pas. Elle se connaît cette capacité depuis sa naissance, mais n'a compris que très récemment qu'il s'agissait d'un avertissement. Ses perceptions sont moins fines lorsqu'elle n'est pas en contact direct avec le sol. lorsque, par exemple, tout passe par la structure en bois de la grange et les clous en métal qui la maintiennent. Mais elle sait à quoi s'attendre, même à l'étage. Poum, poum, le pas, puis sa réverbération dans les profondeurs. Poum, poum, poum, poum. Mais les pas du marchand d'enfants ne vont nulle part et n'éveillent aucun écho. Elle les entend, elle ne les value pas. Ça ne lui était encore jamais arrivé. Il grimpe à présent à l'échelle menant au grenier, où elle se blottit dans la paille. « Ah !» lâche-t-il, une fois au sommet. « Il fait plus chaud en haut. « Dama, dama !» La mère a l'air furieuse maintenant. « Viens ici, tout de suite !» Damaya se roule en boule le plus étroitement possible sous le foin, muette. Les pas du marchand d'enfants croissent en force. « Tu n'as rien à craindre, » dit-il de sa voix grondante, de plus en plus proche. « Je suis ici pour t'aider, Damaya Costaude. » Elle déteste aussi son nom d'usage, qui ne lui va pas mieux qu'à la mère. Il ne signifie qu'une chose. Ses ancêtres féminines ont eu la chance de se joindre à une com, mais ne sortaient pas assez du lot pour gagner une position plus sûre. Quand les temps sont durs, on se débarrasse des costauds aussi bien que des hors-com, lui a un jour dit Chaga, son frère, pour l'énerver. Et puis il s'est mis à rire, comme si c'était drôle. Comme si ce n'était pas la pure vérité. Évidemment, Chaga est un résistant, il tient ça du père. Les com aiment avoir des résistants, que les temps soient durs ou non, au cas où se déclencherait une épidémie, une famine, ce genre de choses. Les pas s'interrompent juste à côté du tas de paille. Tu n'as rien à craindre, répète l'inconnu, plus bas. La mère ne l'entend certainement pas, du rez-de-chaussée. Je ne la laisserai pas te faire de mal. Damaya inspire. Elle n'est pas idiote. C'est un marchand d'enfants, et les marchands d'enfants commettent des horreurs. Mais, à cause de ce qu'il vient de dire, et parce que quelque chose en elle en a assez de la peur et de la colère, elle se déplie. Elle se fraye un passage à travers le tas de paille chaude accueillante. Elle s'assied. Elle regarde l'inconnu à travers ses cheveux en broussailles et le foin sale. L'aspect du visiteur est aussi étrange que sa voix. Il n'est pas de la région de Palela, avec sa peau presque blanche d'une pâleur de papier, qui sans doute fume et se recroqueville au soleil. Si on ajoute à ça ses longs cheveux très lisses, on peut en déduire que c'est un arctique. Hypothèse contredite par leur noir d'obsidienne. On dirait la terre à proximité d'une éruption d'antan. Les cheveux des côtiers orientaux ont beau être de cette couleur-là, ils sont aussi duveteux et accompagnés d'une peau également sombre. L'homme est grand, plus grand et doté d'épaules plus larges que le père, mais effilé, alors que les épaules paternelles dominent une poitrine massive et un ventre imposant. L'inconnu présente une extrême minceur, mais pas la moindre cohérence raciale. Pourtant, ce sont ses yeux qui sidèrent le plus Damaya. Des yeux blancs. Ou peu s'en faut. Le blanc, proprement dit, en est percé d'un disque gris-argent quasi indiscernable, même de près. Les pupilles, immenses dans la pénombre de la grange, déconcertent au sein de ce désert incolore. La fillette a entendu parler de ces yeux-là. Les histoires et la lithomnésie disent qu'ils sont de givre. C'est chose rare et toujours de mauvais augure. Le marchand d'enfants sourit à Damaya, qui lui rend son sourire sans même y penser. Elle a confiance en lui, immédiatement. Elle ne devrait pas, elle le sait, mais n'empêche. « Nous y voilà, » dit-il, toujours aussi bas, pour que la mère n'entende pas. « Damadama Costaude, je suppose ?»« Damaya, c'est tout, » répond la fillette par automatisme. Il penche la tête avec grâce et lui tend la main. « Je m'en souviendrai. Tu veux bien nous rejoindre, Damaya ?» Elle ne bouge pas. Il ne se saisit pas d'elle. Il reste juste là, d'une patience de pierre, la main tendue, mais pas avide. 10 respirations. 20. Damaya va devoir partir avec lui, elle le sait. Mais elle est contente qu'il lui donne l'impression d'avoir le choix. Enfin, elle prend la main offerte et se laisse relever. Il ne la lâche pas pendant qu'elle s'époussette pour se débarrasser du maximum de paille. Après quoi, il la tire contre lui. 1 minute. Hein ? Mais, déjà, il lui a posé sa main libre derrière la tête, 2 doigts appuyés à la base du crâne, si vite et si adroitement qu'elle ne sursaute même pas. Il ferme les yeux 1 seconde, frissonne imperceptiblement, puis exhale en la lâchant. « Le devoir avant tout. Je me sentirai plus tranquille maintenant, » déclare-t-il énigmatique. Perplexe, elle touche l'arrière de son crâne, où s'attarde la sensation des deux doigts pressés. « Bon, allons-y. »« Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Un genre de petit rituel. Ça me permettra de te retrouver facilement si jamais tu te perds. » Elle n'a pas la moindre idée de ce qu'il veut dire. « Allez, viens. Il faut que je dise à ta mère que tu m'accompagnes. » « Alors c'est vrai. » Damaya se mord la lèvre. Quand l'homme fait volte-face pour repartir en direction de l'échelle, elle le suit à 1 ou 2 mètres de distance. « C'est bon, » lance le marchand d'enfants en arrivant au rez-de-chaussée. La mère soupire, peut-être d'exaspération, à la vue de la fillette. « Si vous pouviez me faire un paquet, une ou deux tenues de rechange à manger pour le voyage, ce que vous avez et un manteau. Nous allons prendre la route. » Elle se fiche, surprise. « Son manteau, on l'a donné. »« Vous l'avez donné en hiver ?» Malgré le calme de l'homme, la mère a brusquement l'air mal à l'aise. Une de ses cousines en avait besoin. Nous, on n'a pas de pleines armoires, plein de beaux habits, de toute manière. » Elle hésite en jetant un coup d'œil à Damaya, qui détourne le regard. Elle ne veut pas savoir si la mère regrette d'avoir donné son manteau. Elle ne veut surtout pas savoir si la mère ne le regrette pas. « De toute manière, vous avez entendu dire que les orogènes n'ont pas froid comme vous ou moi. » L'inconnu pousse un soupir las. « C'est un mythe. Je suppose que vous avez déjà vu votre fille prendre froid. » « Ah, je... » La mère est visiblement déconcertée. « Oui, mais je croyais... » Elle croyait que Damaya faisait semblant. Elle le lui a dit le premier jour, après la crèche, en l'installant dans la grange. La mère enrageait, le visage baigné de larmes, pendant que le père restait juste assis là, silencieux, les lèvres livides. Damaya leur avait caché ça. Voilà ce que disait la mère. Damaya leur avait tout caché. Elle avait fait mine d'être une enfant, alors qu'elle était en réalité un monstre. Les monstres faisaient toujours mine d'être des enfants. La mère savait bien que quelque chose clochait chez Damaya, cette sale petite menteuse. L'homme secoue la tête. Quoi qu'il en soit, il faut la protéger du froid. La température va augmenter à l'approche de l'équatorial, mais le voyage va nous prendre des semaines. La mère serre les dents. Vous l'emmenez vraiment à Lumen, alors ? Évidemment, je... Il la considère avec attention. Ah ! Puis se tourne vers Damaya. Ils la regardent tous deux, démangeaison jumelle. Vous pensiez que j'allais tuer votre fille, mais vous m'avez quand même fait appeler par le chef de com. Ne dites pas ça, proteste la mère, raidie. Ce n'était pas, je voulais pas. Ses mains se crispent à ses côtés. Elle baisse la tête, l'air honteuse, mais elle ne l'est évidemment pas. La mère n'a jamais honte de ce qu'elle fait, sinon pourquoi le ferait-elle? « Les gens normaux ne peuvent pas s'occuper de ces gamins-là » reprend-elle tout bas. Ses yeux se posent sur Damaya, mais s'en détournent aussitôt. « Elle a failli tuer un copain à l'école. On a un autre enfant, des voisins, des... » Elle redresse brusquement les épaules et relève le menton. « Et puis, c'est le devoir des citoyens, non ?»« Exact. Parfaitement exact. Votre sacrifice rendra le monde meilleur pour tout un chacun. » Simple stéréotype flatteur, alors que le ton ne l'est absolument pas. Damaya regarde l'homme déconcerté. Les marchands d'enfants ne tuent pas les enfants, ce serait contre-productif. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'équatorial ? Cette région est très, très loin au sud. Il baisse les yeux vers elle et comprend qu'elle ne comprend pas. Les traits blêmes s'adoucissent, ce qu'on croirait impossible avec ses yeux terrifiants. À Lumen, oui. Dit-il à la mère et à la fille. Elle est assez jeune pour intégrer le fulcrum. On lui apprendra à se servir de la malédiction qui la frappe. Son sacrifice à elle aussi rendra le monde meilleur. Damaya la regarde. Elle s'est trompée du tout au tout. Sa mère ne l'a pas vendue. Les parents l'ont donnée pour rien. Et la mère ne la déteste pas, non. Elle a peur d'elle. Est-ce que ça fait une différence ? Peut-être. Damaya ne sait qu'éprouver face à ces révélations. Quant à l'homme, Quant à l'homme, ce n'est absolument pas un marchand d'enfants, mais... Vous êtes un gardien ? Demande-t-elle, bien qu'elle connaisse maintenant la réponse à la question. Il sourit une fois de plus. Elle n'imaginait pas les gardiens comme ça. Dans sa tête, ils sont grands, sévères, hérissés d'armes et de connaissances secrètes. Enfin, au moins, il est grand. Oui. Il lui prend la main. Manifestement, il aime toucher les gens. Ton gardien. La mère soupire. Je peux bien vous donner une couverture. Très bien, merci. Il se tait, il attend. Quelques respirations plus tard, la mère comprend qu'elle est censée aller chercher la couverture. Elle hoche la tête maladroitement, puis sort, le dos raide. L'homme et Damaya se retrouvent seuls. « Tiens !» dit-il en levant les bras. Ce qu'il porte est sans doute un uniforme. Épaulettes, manches et pantalons aux longs plis raides, tissu pourpre à l'air solide, mais inconfortable, comme la couverture de mamie. S'y ajoute une courte cape, moins utile que décorative. Il la retire avant de l'enrouler autour de Damaya. La pèlerine se révèle assez longue pour lui servir de robe, et encore chaude d'avoir été portée. « Merci. Qui êtes-vous, au fait ?»« Chaffa, gardien Manda. » Elle n'a jamais entendu parler d'une ville du nom de Manda, mais sans doute cette ville existe-t-elle, car à quoi servirait un nom de com autrement ?« C'est un nom d'usage, gardien ?»« Pour les gardiens, oui, » riposte-t-il d'une voix traînante. L'embarras brûle les joues de Damaya. Après tout, aucune com ne le trouve très utile en temps normal. Elle fronce les sourcils perplexes. Vous voulez dire qu'elle vous jette dehors, vous, quand une saison arrive, mais... Les gardiens remplissent de multiples fonctions. Les histoires le lui ont appris. Ce sont de grands guerriers, de grands chasseurs, et parfois, souvent, de grands assassins. Les coms ont besoin de ces gens-là dans les périodes difficiles. Chaffa hausse les épaules et s'éloigne pour s'asseoir sur une botte de vieux foin. Il y en a une autre derrière Damaya, qui reste cependant debout, car elle préfère se trouver au niveau de son interlocuteur. Il est plus grand, même assis, mais la différence est nettement moindre. Les orogènes du Fulcrum servent le monde, déclare-t-il. À partir de maintenant, tu n'as plus de nom d'usage, parce que ton utilité découle de ta nature et pas d'une simple aptitude familiale. Un orogène nouveau-né peut t'empêcher une secousse. Tu n'as pas besoin d'entraînement pour être ce que tu es. Tu l'es, avec ou sans com. Simplement, t'entraîner au Fulcrum sous la houlette des plus talentueux de tes semblables te rendra utile non seulement à une com donnée, mais au fixe tout entier. Il écarte les mains. En tant que gardien, et par l'intermédiaire des orogènes confiés à mes soins, je poursuis le même but, au même niveau. Voilà pourquoi il convient que je partage le sort éventuel de mes pupilles. Damaya déborde d'une telle curiosité et de tant de questions qu'elle ne sait pas par laquelle commencer. Vous avez... Elle trébuche sur le concept, les mots, l'acceptation de ce qu'elle est. Il y a d'autres enfants comme moi qui... Elle ne peut en dire davantage. Chaffa se met à rire, visiblement conscient et enchanté de son ardeur. Je suis en ce moment le gardien de six orogènes. La manière dont il penche la tête fait comprendre à Damaya que c'est ainsi qu'on formule les choses, en parole et en pensée. Dont toi. Et vous les avez toutes emmenées à l'humaine ? Vous les avez trouvées par hasard, comme moi, ou... Pas exactement. Certains m'ont été confiés par d'autres gardiens, ou après leur naissance au Fulcrum. J'en ai trouvé d'autres, oui, depuis qu'on m'a chargé du circuit de cette zone des Moyens Nord. Il écarte à nouveau les mains. Quand tes parents ont fait savoir au chef de Palela qu'ils avaient une fille orogène, il a télégraphié à Brevard, qui a transmis à Gédo, qui a transmis à Lumène, qui a fini par me transmettre à moi. Il soupire. Heureusement, je suis passé jeter un coup d'œil au nœud le plus proche de Brevard le lendemain de l'arrivée du message. Sans ça, je ne l'aurais reçu que 2 semaines après. En ce qui concerne Damaya, l'humaine n'est qu'une légende et les autres endroits dont a parlé Chaffa de simples mots dans les manuels de crèche. Elle connaît toutefois Brevard par ouï-dire, parce que c'est la ville la plus proche, beaucoup plus grande que Palela. Le père et Chaga s'y rendent au début de la saison de la croissance pour vendre le pourcentage des récoltes qui revient à l'exploitation. Damaya n'enregistre les derniers mots du gardien qu'à retardement. 2 semaines supplémentaires dans cette grange glaciale, à se soulager par terre. Heureusement qu'il a reçu le message à Brevard, oui. Tu as eu beaucoup de chance, continue-t-il, peut-être consciente de ce qu'elle pense à son expression. Les parents ne font pas toujours ce qu'il y a mieux à faire. Certains n'isolent pas l'enfant, malgré les recommandations du fulcrum. D'autres essaient, mais nous sommes prévenus trop tard. Le gardien arrive pour apprendre que la foule s'est emparée de l'orogène et l'a rouée de coups. Ne sois pas trop dure avec tes parents, Dama. Tu es saine et sauve, ce n'est pas rien. Elle se tortille un peu, renâclant devant cette vérité. Il soupire. Il y a aussi des parents qui cherchent à cacher l'enfant, à le garder chez eux sans l'entraîner et sans gardien. Les choses finissent immanquablement par mal tourner. Elle ne pense qu'à ça depuis 2 jours, depuis ce qui s'est passé à la crèche. Si les parents l'aimaient, ils ne l'auraient pas enfermée dans la grange. Ils n'auraient pas appelé cet homme. La mère n'aurait pas dit ses horreurs. Mais pourquoi n'aurait-il pas ? Lâche-t-elle, avant de se rendre compte que Shafa savait très bien ce qu'il disait. Il voulait vérifier si elle y pensait. Pourquoi n'aurait-il pas pu me cacher et me garder ici ? Maintenant, il sait ce qu'il en est. Les mains de Damaya se crispent sur la pèlerine qu'elle tient enroulée autour de son corps, mais le gardien se contente de hocher la tête. D'abord, parce qu'ils ont un autre enfant, et que quiconque se fait prendre à héberger un orogène non enregistré est chassé de sa com. Et encore, ce n'est que la punition la plus légère. Damaya le sait pertinemment, à son grand déplaisir. Si les parents l'aimaient, ils prendraient le risque, d'accord ? Peut-être répugnait-il à perdre leur foyer, leur gagne-pain et leurs 2 enfants. Ils ont préféré garder quelque chose au lieu de renoncer à tout. Mais le plus grand danger, Damaya, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas davantage cacher ton orogénie que ta féminité ou ta jeune intelligence. Elle rougit en se demandant s'il s'agit d'un compliment. Le sourire de Shafa l'informe que oui. Au moindre mouvement de la terre, tu entendras son appel. Au moindre danger, tu essaieras d'instinct de puiser à la source de chaleur et d'énergie cinétique la plus proche. Un homme vigoureux se sert de ses poings, toi de cette capacité-là. Quand ta sécurité sera menacée, tu feras évidemment ton possible pour te protéger. Et, ce faisant, tu provoqueras des morts. Damaya tressaille. Shafa sourit, une fois de plus, toujours aussi gentiment. Elle repense à ce fameux jour. Tout le monde était dans la cour, après le déjeuner. Elle avait mangé son rouleau aux haricots au bord de l'étang, en compagnie de Limi et de Chantare, comme d'habitude, pendant que les autres enfants s'amusaient ou se jetaient de la nourriture à la figure. Certains, rassemblés dans un coin, gratouillaient la terre en échangeant des marmonnements. Il y avait interrogation écrite de géométrice dans l'après-midi. À un moment, Zap s'est approché des 3 copines. « Laisse-moi copier sur toi, » a-t-il dit en regardant Damaya. Limi a pouffé. D'après elle, Zab aimait beaucoup Damaya. Mais Damaya n'aimait pas Zab, parce qu'il était vilain. Il passait son temps à l'embêter, à l'insulter, à la bousculer, jusqu'à ce qu'elle lui crie d'arrêter et se fasse gronder par l'enseignant. « Je ne veux pas avoir d'ennui à cause de toi, » lui a-t-elle donc répondu. « Tu n'en auras pas si tu fais ça bien, » a-t-il riposté. « Il te suffira de bouger ta copie. »« Non, » s'est-elle obstinée. « Je ne ferai pas ça bien. Je ne ferai pas ça du tout. » « Va-t'en !» Elle s'est tournée vers Chantare, que Zab avait interrompu. Et elle s'est retrouvée par terre sans savoir comment. Zab l'avait poussée des 2 mains, et elle était tombée du rocher cul par-dessus tête, littéralement, avant d'atterrir sur le dos. Par la suite, elle a eu 2 semaines dans la grange pour y penser. Elle s'est rappelée le saisissement du garçon, qui n'avait sans doute pas cru la déloger aussi facilement. Mais, sur le moment, elle a juste eu conscience de se retrouver par terre. Dans la boue, le dos froid, mouillé et sale, tout entier imprégné d'une odeur de marécage en fermentation et d'herbe écrasée. Ses cheveux étaient dégoûtants, son plus bel uniforme aussi. La mère allait être furieuse. Elle était elle-même furieuse. Alors elle a attrapé l'air et... Damaya frissonne. « Tu provoqueras des morts. » Shafa hoche la tête, comme si elle pensait à voix haute. « Tu es le ver que produisent les montagnes de feu, » reprend-il tout bas. Un cadeau de l'immense Père Terre. Mais le Père Terre nous déteste, ne l'oublie jamais. Ces cadeaux se paient, et ils sont dangereux. Si nous te recueillons, si nous t'affûtons pour que tu sois assez tranchante, si nous te traitons avec le soin et le respect que tu mérites, tu deviendras précieuse. Mais si nous te laissons dans ton coin, tu couperas jusqu'à l'os la première personne à te heurter par accident. Ou pire, tu exploseras, et tu feras du mal à beaucoup de monde. Damaya se rappelle le regard de Zab. L'air refroidi l'a enveloppé un court instant d'un nuage bouillonnant, comme sorti d'un ballon crevé. Ça a suffi. Une croûte de glace couvrait l'herbe alentour et la sueur s'était solidifiée sur la peau de Zab. Ils se sont figés, les yeux dans les yeux. Elle se rappelle de la tête du garçon. « Tu as failli me tuer. » Voilà ce qu'elle a vu sur son visage. Shafa la regarde toujours avec attention. Son sourire ne s'est pas effacé une seconde. « Ce n'est pas de ta faute, » reprend-il. « La plupart des histoires qui circulent sur les orogènes sont complètement idiotes. Tu es né comme ça, mais vous n'y êtes pour rien, ni tes parents, ni toi. Il ne faut en vouloir à personne, ni eux, ni toi. » Elle se met à pleurer parce qu'il a raison. Tout ce qu'il dit, tout est vrai, jusqu'au moindre détail. Elle déteste la mère de l'avoir enfermée. Elle a détesté le père et Chaga d'avoir laissé faire la mère. Elle se déteste d'être née comme ça et de les décevoir. Et maintenant, en plus, Shafa sait qu'elle est méchante et complètement minable. Chut. Il se lève, la rejoint, s'agenouille et lui prend les mains. Les sanglots de Damaya redoublent, mais il lui serre brusquement les mains, assez fort pour faire mal. Elle sursaute, inspire brusquement et cligne des yeux afin de se débarrasser du brouillard des larmes. « Il ne faut pas, mon enfant. Ta mère ne va pas tarder à revenir. Il ne faut pas pleurer à découvert. Hein ?» Il a l'air désolé. Pour elle ? Quand il lève la main et la lui pose sur la joue. C'est dangereux. Elle ignore ce que ça peut bien vouloir dire. Mais elle n'en arrête pas moins de sangloter et s'essuie les joues. Il efface du pouce une larme oubliée, examine une seconde la fillette, puis hoche la tête. Ta mère va sans doute s'en apercevoir, mais ça devrait aller pour n'importe qui d'autre. La porte grince. La mère est de retour avec, cette fois, le père dans son sillage. Il serre les dents et évite de poser les yeux sur sa fille, qui n'a pourtant pas vu, depuis qu'elle est enfermée dans la grange. Les parents se concentrent tous deux sur Shafa, qui se relève et se place devant Damaya, en remerciant d'un signe de tête les parents de lui avoir apporté une couverture pliée et un paquet ficelé. « On a abreuvé votre cheval, » dit le père avec raideur. « Vous voulez emporter de la provende ?»« Non, merci, » répond Shafa. « En nous pressant un peu, nous devrions arriver à Brevard, juste après la tombée de la nuit. »« C'est un long trajet ?» commente le père, les sourcils froncés. « En effet. » Mais à Brevard, il ne viendra à l'idée de personne de nous suivre pour faire des adieux moins polis à Damaya. La fillette met un instant à comprendre. Les palelins aimeraient la tuer. Mais c'est malin. Il ne peut quand même pas. Elle connaît un tas de gens. Les enseignants de la crèche, les autres enfants, les vieilles dames du relais avec lesquelles mamie était amie avant de mourir. Le père y pense aussi. Elle le voit à son visage. Il fronce les sourcils. Il ouvre la bouche pour exprimer sa pensée à elle. Il ne ferait pas une chose pareille. Mais il s'interrompt avant que le premier mot ne soit tombé de ses lèvres. Un coup d'œil à sa fille, un seul, plein d'angoisse. Puis il se reprend et détourne les yeux. « Tiens !» Shafa tend la couverture à sa pupille, celle de mamie. Damaya la regarde, puis elle regarde la mère, mais la mère se refuse à la regarder. Pleurer est dangereux. Damaya reste impassible en se débarrassant de la cape de Shafa, qui l'enveloppe de la couverture à l'odeur familière de renfermé et au tissu rêche, la couverture parfaite. Les yeux du gardien croisent ceux de la fillette. Il loche la tête, à peine, approbateur. Puis il la prend par la main et l'entraîne vers la porte. Les parents suivent, sans mot dire. Damaya non plus ne dit mot. Elle considère la maison une seconde, aperçue d'un visage entre deux rideaux, qui se ferme aussitôt complètement. Chaga, son frère aîné, qui lui a appris à lire, à monter un âne, à faire des ricochets sur l'eau avec les cailloux. Il n'agite même pas la main pour dire au revoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il la déteste. Elle en est consciente maintenant. Shafa la soulève pour la poser sur le cheval le plus énorme qu'elle ait jamais vu. Un grand bel luisant au long cou, puis se met en selle derrière elle. Il lui enroule la couverture autour des jambes et des chaussures pour lui éviter les frottements irritants et les engelures. Ça y est. Ils sont partis. Ne te retourne pas, conseille-t-il. C'est plus facile comme ça. Elle ne se retourne donc pas. Un jour, elle comprendra qu'il avait raison, là aussi. Un jour, beaucoup plus tard, Elle regrettera de ne pas s'être retournée, malgré tout. Les yeux de givre, les cheveux à cendre, le nez filtrant, les dents aiguës, la langue divisant les selles. Tablette deuxième, la vérité incomplète, strophe 8.